Trop venu là, j'aimerais voyager avec toi. En toi j'ai trouvé de l'or. J'aimerais voyager avec toi. Je me suis perdu dans tes yeux, le cœur en désaccord. Et tout est si beau loin de toi, mais près de toi c'est merveilleux. Maintenant on est quitte, je prends toutes mes affaires dans la garde-robe. Dans nos memories, hey, y'a tous nos voyages jusqu'à Barcelone. Je veux m'en aller. Non, non, non, non, non, non. Je veux m'en aller sans dire un mot, mot, mot, mot, mot, mot. Hey. J'aurais jamais pensé un jour te dire que c'est mort. Et pardonne-moi si je nous ai fait perdre du temps. Elle veut des sorties, des bisous, des je t'aime de luxe comme avant. Non, elle veut des sorties, des bisous encore et encore. J'aime bien ta carapace et le visage qui en sort. Entre rire et rancœur, tu m'aimeras après la fin. Sois ma Laura London, je serai ton Ibsen seul. En toi j'ai trouvé de l'or. J'aimerais voyager avec toi. Je me suis perdu dans tes yeux, le cœur en désaccord. Et tout est si beau loin de toi, mais près de toi c'est merveilleux. J'aime les formes de ton corps. Je vais te dire la vérité, moi je dis que la vérité. Je sais pas si je t'aime encore. En toi j'ai trouvé de l'or. Tu m'as permis de trouver le leur. Pourquoi l'amour nous maudit? Te promettre le meilleur ou le pire, c'est toujours la même mélodie. J'arrive pour éclairer ta vie, ton cœur est coincé dans la noche. Je t'emmènerai bien au soleil, je vais te réchauffer sous ma North Face. Baby love, je t'aime un peu plus quand tes vêtements s'enlèvent. L'ange de gauche et de droite, quand je te regarde mes sentiments s'en mêlent. L'amour s'achète pas avec millions, millions d'euros. Te prouver que je t'aime sans dire les mots, mots, mots. Encore et encore, j'aime bien ta carapace et le visage qui en sort. Entre rire et rancœur, tu m'aimeras après la fin. Sois ma Laura London, je serai ton Ibsen seul. En toi j'ai trouvé de l'or. J'aimerais voyager avec toi. Je me suis perdu dans tes yeux, le cœur en désaccord. Et tout est si beau loin de toi, mais près de toi c'est merveilleux. J'aime les formes de ton corps. Je vais te dire la vérité, moi je dis que la vérité. Je sais pas si je t'aime encore. En toi j'ai trouvé de l'or.